C'est l'heure de remonter le temps avec vous, Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 13 février de quelle année ? Ah, de l'année 1575, an de grâce s'il en fut. Nous sommes dans la cathédrale de Reims. Nous assistons au sacre du nouveau roi de France, Henri III. C'est un habitué des trônes, si vous me permettez l'expression, puisque deux ans plus tôt, à 21 ans, il s'était déjà installé sur celui de Pologne, qui était vacant. À l'époque, le roi de France était son frère Charles IX. Et donc, quand Charles IX meurt, Henri devient roi de France ? Voilà, Charles n'a pas de descendants. Il n'a pas fallu le prier longtemps, l'ambitieux roi de Pologne, hein, Henri. Sitôt informé de la mort de son frère, il a quitté son trône polonais, s'est enfui pour courir vers celui de France, nettement plus prestigieux. Vous allez me dire que tout cela manque un peu de sens moral, mais Henri a de qui tenir, puisque ce fils de roi, frère de deux rois, est le fils de la machiavélique Catherine de Médicis. Or donc, alors je sais qu'il va y avoir des éditeurs qui vont appeler en disant « Mais non, elle était très bien !» Mais oui, on le sait, elle était très bien. Ce 13 février 1575, Henri entre donc dans la cathédrale de Reims pour y être sacré, il va recevoir l'onction du Saint-Crème avant de cindre l'immémoriale couronne. Dites-moi, ça devait être impressionnant, non, cette cérémonie ? C'était tout simplement extraordinaire. Henri, qui est un garçon coquet, change 7 fois de tenue dans la même journée. Lors du sacre, il est à jeun, selon la tradition. Il est pris de malaise. Le cardinal de Guise lui pose la couronne sur la tête, mais elle glisse, il la rattrape in extremis, mauvais signe. Enfin, le voilà roi pour la deuxième fois. Il régnera jusqu'au 2 août 1589, jusqu'à son assassinat par un frère dominicain du nom de Jacques Clément. Ce jour-là, le roi est sur sa chaise percée. Il est surpris par le dominicain. « Ah, méchant moine, tu m'as tué !» s'exclamera Henri avant de tomber en agonie. Il mourra le lendemain. Henri était donc le dernier des Valois, puisque celui qui va lui succéder est le premier Bourbon, Henri IV. On vous retrouve tout à l'heure, Franck, 14h sur Europe 1. Oui, et nous nous offrirons une heure de douceur en compagnie de Louis Armstrong.